Justement, tiens, Guise Guillermo, c'est à toi. C'est parti. Ah, ouais. C'est maintenant. Allez donc. T'es encore en train de se boucher, toi. Ça va, les amigos? T'étais bien lancé. Hein. Wow. C'était bien, ça. On est saisi. Vous voilà. Savez que le métier de chroniqueur, parfois, ça donne envie de crever dans un reste de muesli. Et je dis pas ça parce que ce matin, j'ai un peu l'impression de jouer dans l'équipe B, quand même. Je dis pas ça pour ça. Pourquoi? Oh, bah, dis donc. Non, c'est pas les vrais. Ah, oui. C'est pas les vrais présentateurs. Ah, oui. Non, c'est vrai. J'en veux pour Merci pour cette chronique. Alors, Isabelle menti. L'équipe B, c'est-à-dire, c'est la D2. Quoi. Ah, on me fait signe que tu as appelé à l'extérieur. Maintenant que je vous explique. Nagui, il aurait jamais fait ça. Ah, voilà, justement, hier, j'appelle Nagui pour lui proposer un sujet de chronique. Et comme vous le savez, il n'est pas facile à joindre Nagui pour le moment. Il faut passer par le standard de la clinique, convaincre son médecin que non, on ne va pas placer les mots seringue, poudre, garrot dans la conversation parce que monsieur Nagui reste fragile malgré les sommes colossales qu'il a investies dans sa cure. Non. Et il finit quand même par décrocher. Il me dit Leïla, c'est toi et tout, t'as un truc, on fait comment, on se retrouve où, il y a une porte secrète qui mène au parking. J'ai dit non, Nagui, c'est pas Leïla, c'est Ernesto. Hijo de la mort de dos personas conscientes, c'est la toilette d'une officine. Et je lui dis. Ah, l'allemand. Je lui dis, j'appelle pour ma chronique de demain, Nagui. Je lui dis, voilà, ça va. Ça me va si je parle de l'arrivée du fascisme au Brésil. Et il me dit, ah non, Tanguy l'a déjà fait. Je dis, oui, mais moi, c'est pour dire que je suis contre. Et là, silence. Enfin, je dis, bon, bah, enfin, tant pis, alors, je vais parler des animaux sauvages qui s'éteignent. Et il me dit, ah non, Tanguy l'a déjà fait. Je dis, oh, ok, voilà, bon, Tanguy, il a pris un régime vitaminé, apparemment, pas de problème avec ça. Je vais parler d'Halloween, hein, il me reste deux vannes sur Nicolas Sirkis, j'ai toujours pas pu placer. Donc il dit, non, Tanguy l'a déjà fait. Mais c'est une blague ou quoi? Je dis, les sujets d'actu, c'est les fourmis. Tanguy, c'est un tapir, quoi, vraiment. Moi, je suis obligé. Moi, je suis obligé de sucer du lichen sur des cailloux, comme Francis Lalanne. Ah bon? Alors, bon, ben, ce matin, je vais vous parler du retour du froid. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous trouvez pas que le froid, vous... Ah, si. Allez, genre, vous préférez pas le chaud? Voilà, c'est vrai. Il y a les auditeurs de France Inter qui disent, chérie, c'est avec nos impôts que le monsieur il parle vraiment. C'est vrai. Oh, ça va, c'est pas un si mauvais sujet de chronique, le retour du froid. Déjà, ça a le mérite de tordre les rumeurs sur le soi-disant réchauffement climatique. Alors, on critique Trump parce que sa femme vient des pays de l'Est. En attendant, le mec sur le climat, c'est un visionnaire. Ah oui, qu'est-ce qu'on nous a bassiné avec le réchauffement climatique? Moi, à un moment, j'ai même cru, moi, je suis un naïf. Sérieux, moi, sérieux, j'ai failli envoyer un don à Yannick Jadot. Sérieux, n'importe quoi. J'ai bien fait de garder cet argent pour m'acheter un fusil. N'empêche, à ma décharge, en Belgique, on est vraiment déstabilisés. Six mois de beau temps, c'est plus arrivé depuis un peu avant le Big Bang. Vraiment, d'habitude, l'année chez nous, elle fait 385 jours, juste pour pouvoir ajouter 20 jours de pluie en plus. Vraiment, et là, on a eu full soleil. Je me suis dit, putain, on va finir par avoir des touristes en Belgique. Sérieux. Donc voilà, c'est pas un sujet de ouf, je sais, le retour du froid, mais ça permet quand même de rappeler qu'on est en 2018 et qu'il y a encore des gens qui dorment dans la rue. Et je dis ça surtout pour vous, Daniel. Parce que là, c'est vrai, on se sent fort parce qu'on a pris la place du patron. On se dit que ce sera pour toute la vie, hein, qu'on pourra continuer à demander à un stagiaire de faire son lacet. Eh ben non, un jour le patron il va revenir, Daniel, il va réprimer le putsch et hop hop hop, le temps de dire ah ben ça, ma mère Dogan, ma mère. Eh ben voilà, on se retrouve sous un pont à taper la discute avec une bouteille de mauvais pinot, comme Philippe Risoli. Oui. Et à ce moment-là, on se dira ah ben ouais, c'était pas si mal quand le belgo péruvien syphilitique et insectophobe nous parlait de froid. Ouais, vous, Daniel, vous pourrez vous dire oui, moi ça me pendait au nez la rue, hein, mon look c'était donc prémonitoire. Alors, parce que bon là, l'État français il a beau avoir annoncé l'ouverture de 14 000 places supplémentaires en cas d'urgence, je vous le dis quand même, le froid ça tue. Cette semaine à Bruxelles, il y a deux femmes qui sont mortes dans la rue. Voilà, merci Tanguy, grâce à toi j'ai cassé l'ambiance. Allez, bonne émission les amis. Bravo Tanguy Bastion. Sur France Inter. Merci bien.